Ali et Poupa Dicap, la merveille. Hey. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Ah, ah, mes chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne comptait pas. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne comptait pas. Feu d'artifice comme les fêtards. Toucher du soleil, il se fait tard. Étoile d'Afrique comme Didier Drogba. La vie c'est maintenant, demain c'est trop tard. La vie de la 5 étoiles, les grands restos. Ma chérie, je lui donne plus que ça. Les voitures en pagaille, en voyage à Monaco. Ma chérie, je lui donne plus que ça. Habibi coûte cher, mais tout le monde en veut. DJ met la boîte en l'envers. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Ah, ah, mes chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Tout le monde sur la piste sort les vrais pas. On oublie les heures, on ne compte pas. Danser faut danser la rumba. La vie de palace, 5 étoiles, les grands restos, ma chérie, je lui donne plus que ça. Les voitures en pagaille, en voyage à Monaco, ma chérie, je lui donne plus que ça. Habibi coûte cher, mais tout le monde en veut. DJ met la boîte en l'envers. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Ah, ah, ah, mes chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on t'arrête pas, ce soir on ne compte pas. Allez bina ma bina bina bina ma bina bina. Allez bina ma bina bina bina ma bina bina. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah,